quand le vent souffle et que tout vacille, je ferme les yeux, ton feu brille dans le silence, ton esprit parle et ma foi se tient douce et calme. L'adoration, c'est ton feu en moi, une lumière qui guide mes pas. Quand tout s'éteint, toi seul tu restes. Ma foi s'élève, mon cœur proteste. Contre la peur, je te choisis. Dans l'adoration, je vis. Ce feu secret, doux mais puissant, change mes gouttes en firmament. Il ne crie pas, mais il transforme. Il me façonne, me rend conforme. L'adoration, c'est ton feu en moi. Je ne vis plus pour ce qui passe, mais pour ton feu, pour ta grâce. L'adoration, c'est ton feu en moi, une lumière qui guide mes pas. Quand tout s'éteint, toi seul tu restes. Ma foi s'élève, mon cœur proteste. Contre la peur, je te choisis. Dans l'adoration, je vis. Dans l'adoration, je vis. Jour après jour, il me révèle que ton amour est essentiel. Je ne vis plus pour ce qui passe, mais pour ton feu, pour ta grâce. L'adoration, c'est ton feu en moi, une lumière qui guide mes pas.